Jules Janin, Kernok le pirate, chapitre 9, Orgie. Icorus inges colit orgia, Avienus. Du vin, sacre bleu, du vin, les bouteilles se choquent, les flacons se brisent, les jurements et les chants éclatent de toutes parts. C'est tantôt le bruit sourd que fait un pirate aviné en tombant sur le pont, tantôt la voix chevrotante de ceux qui tiennent encore leur verre à la main et de l'autre se cramponnent à la table. Du vin ici, mousse, du vin, ouche ta somme. Et il y en a qui luttent entre eux pied contre pied, front contre front. Ils s'étreignent, ils s'enlacent, l'un glisse, tombe, un os crie et se rompt, et les imprécations remplacent le rire. Il y en a qui sont couchés, saignants, le crâne ouvert, aux pieds de gais compagnons qui détonnent une délirante chanson bachique. Il y en a qui, dans le dernier degré de l'abrutissement et de l'ivresse, s'amusent à écraser entre deux boulets la main d'un matelot ivre-mort. Et il y a foule d'autres jeux encore. Les gémissements, les cris de rage et de folle joie se confondent et s'accouplent. Le pont est rougi de vin ou de sang, qu'importe, le temps fuit rapide à bord de l'épervier. Tout est folie, entraînement, délire. Allez, allez, jouissez de la vie, elle est courte. Les jours mauvais sont fréquents. Qui sait si aujourd'hui aura pour vous un lendemain? Amusez-vous donc, parbleu, saisissez le plaisir en tout et partout. Non, ce plaisir frêle descend aux ailes d'or et d'azur, qui ressemble à une jeune fille douce et timide, ce plaisir délicat qui aime à secouer sa tête fraîche et blonde devant les mille glaces d'un boudoir ou à effleurer du bout de ses lèvres roses une coupe remplie d'une liqueur glacée, ce sybarite enfin qui ne veut autour de lui que fleurs, parfums et pierreries, femmes jeunes et vives, musique mélodieuse et vin exquis. Non, sacre bleu, mais ce plaisir robuste et carré à l'œil de satyre, au rire de démon qui hante les tavernes et les tripots, boit et s'enivre, mord et déchire, frappe et tue, puis se roule et se tord au milieu des débris d'un repas grossier, en poussant un éclat de rire qui ressemble au râlement d'un chacal. Allez, allez, jouissez de la vie, elle est courte, vous dis-je. Donc on jouissait de la vie à bord de l'épervier. Il était nuit close, les fanaux qui garnissaient les bastingages répandaient une vive clarté sur le pont du navire que Kernok avait fait garnir de tables pour fêter son heureuse capture. Au repas succédait le divertissement. Le mousse grain de sel, après s'être frotté de goudron, de la tête aux pieds, avait trouvé bon de se rouler dans un sac de plumes, et, sorti de là, il ressemblait assez à un volatile à deux pieds et sans ailes. Et quel plaisir de le voir gambader, tourner, sauter, danser, voltiger, enhardi par les applaudissements de l'équipage et excité par les coups de corde que maître Zélie lui administrait de temps en temps pour entretenir sa souplesse. Mais un drôle de corps, un plaisant, un Allemand, je crois, voulant rendre la fête complète, approcha une mèche enflammée de l'aigrette, des toupes, qui se balançait avec grâce sur le front de grains de sel. Puis le feu, communiquant de l'étoupe aux cheveux, des cheveux aux plumes, l'acrobate improvisé, le malheureux grain de sel, absorba tant de caloriques que sa peau se fendit et craqua sous son enveloppe enflammée. Pour le coup, on riait aux larmes à bord de l'épervier. Pourtant, comme le mousse poussait des cris affreux, une bonne âme, une âme compatissante, car il y en a partout, le prit et le jeta à la mer en disant « Je vais l'éteindre ». Heureusement, grain de sel nageait comme un saumon. Il se plut même à prolonger son bain, qui le rafraîchit beaucoup, se promena autour du brick, comme un triton ou une naïade, à votre choix, puis y rentra par le sabord d'Arcas, en disant avec son stoïcisme accoutumé « J'aime bien mieux ça que d'être brûlé vif, mais je me suis tout de même joliment amusé. » On entendit un coup de pistolet, puis un cri perçant sorti de la chambre de Kernok. Zélie s'y précipita. C'était un rien, une misère. Figurez-vous que Kernok, un peu chauffé par le grog, avait beaucoup vanté son adresse à Amélie. « Je te parie, lui disait-il, que d'un coup de pistolet, je te fais sauter le couteau que tu tiens à la main. » Mélie ne doutait pas de l'habileté de son amant, mais ne se souciant pas de l'épreuve, elle avait étudié la proposition. « Lâche !» lui avait crié Kernok. « Eh bien, pour t'apprendre, je vais t'enlever ton verre. » Et ce disant, il s'était armé d'un pistolet, et le verre de Mélie, brisé par la balle, avait volé en éclats. Quand Zélie entra, Kernok, renversé en arrière, le pistolet encore à la main, riait de la frayeur de Mélie, qui, pâle et tremblante, s'était réfugiée dans un coin de la chambre. « Eh bien, Zélie, dit le pirate, eh bien, mon vieux loup de mer, tes demoiselles s'amusent-elles bien là-haut ? Je vous en réponds, capitaine, mais ces dames attendent la surprise. »« La surprise ? Ah, c'est vrai ! Écoute !» Et il dit deux mots à l'oreille de Zélie. Celui-ci recula d'un air étonné, ouvrant sa large bouche. « Comment ? Vous voulez ? Certes, je le veux. N'est-ce pas une surprise ? Une fameuse, qui sera drôle encore. J'y vais, capitaine. » Kernok monta bientôt sur le pont avec Mélie. À son aspect, ce furent de nouveaux cris de joie. « Hourra pour le capitaine Kernok ! Hourra pour sa femme ! Hourra pour l'épervier ! Une fusée partie du San Pablo, qui était en panne à deux portées de fusil du brick. Elle décrivait sa courbe et retomba en pluie de feu. « Capitaine, voyez donc cette fusée, » dit le lieutenant. « Je sais ce que c'est, mon brave. Allons, allons, enfant, faites circuler le rhum et le genièvre. Un verre à moi, un verre à ma femme. » Mélie voulut refuser, mais comment résister à son doux ami ? Vive les camarades et les braves enfants du capitaine de l'épervier, dit Kernok après avoir bu. Hourra ! Reprit l'équipage d'une voix forte et sonore. L'orgie était alors à son comble. Les matelots s'étaient pris par la main et tournoyaient avec rapidité tout autour du pont, en chantant à tue-tête les refrains les plus obscènes et les plus crapuleux. Bientôt, maître Zélie accosta à bâbord, ramenant à bord du San Pablo les 10 hommes que Kernok y avait laissés momentanément. Il ne restait plus à bord du navire espagnol que son équipage, lié et garrotté sur le pont. « Tout est prêt, dit Zélie. Quand la seconde fusée partira, capitaine, c'est que la mèche aura atteint. »« C'est bien, répondit Kernok en l'interrompant. « Enfant, je vous ai promis une surprise, si vous vous conduisez bien. Votre sagesse et votre modération ont dépassé mon attente. Vous allez en être récompensé. Vous voyez ce trois-mâts espagnol gréé et équipé comme il l'est. Il vaut bien 30 000 piastres. Je le paye 40 000, moi, enfant. Je l'achète sur ma part de prise, afin d'avoir le plaisir d'offrir à l'équipage de l'épervier un feu d'artifice avec accompagnement de musique. Tenez, voici le signal. Allons, prenez vos places. » Et tout l'équipage, du moins ceux qui étaient en état de monter et de voir, se groupèrent dans les unes et dans les haubans. La seconde fusée étant sortie du San Pablo, le feu commençait à s'y développer. C'était la surprise que Kernok ménageait à son équipage. Il avait envoyé maître Zélie à bord du navire espagnol pour retirer le peu de poudre qui pouvait y rester et disposer des matières combustibles dans la cale et dans le faux pont. puis garrotter le plus solidement possible les malheureux Espagnols, qui ne se doutaient encore de rien. C'était donc le San Pablo qui brûlait. La nuit était noire, l'air calme, la mer comme un miroir. D'abord une fumée épaisse et bitumineuse, sortie par les panneaux du navire avec une nuée d'étincelles. Et un cri perçant, affreux, qui retentit au loin, s'élança de l'intérieur du San Pablo, car son équipage voyait à quel sort il était réservé. « Voilà déjà de la musique, » dit Kernok. « Il chante diablement faux, » répondit Zélie. Bientôt la fumée se colora davantage, devint d'un rouge vif, et fit encore place à une colonne de flammes, qui, s'élevant en tourbillonnant du grand panneau, projeta sur les eaux un long reflet couleur de sang. « Hurrah ! » cria l'équipage du brick. Puis l'incendie s'augmenta. Le feu sortant des trois panneaux à la fois se joignit et s'étendit comme un vaste rideau enflammé sur lequel la mâture et les cordages du San Pablo se dessinaient en noir. Alors aussi les cris des Espagnols garrottés au milieu de cette fournaise ardente devinrent si atroces que les pirates, comme malgré eux, poussèrent des hurlements sauvages pour étouffer la voix déchirante de ces malheureux. L'incendie était alors dans toute sa force. Bientôt les flammes s'attachèrent au gréement et coururent le long de tous les cordages. Les mâts n'étant plus soutenus par les haubans, craquèrent et tombèrent sur le pont avec un fracas effroyable. Des manœuvres en feu pendaient de tous côtés, et cet immense foyer de lumière paraissait d'autant plus éclatant que la nuit était plus sombre. Les Espagnols ne criaient plus. Tout à coup, la flamme, faisant une large trouée dans un des flancs du navire, et le grand mât s'abattant du même côté, le San Pablo donna une forte bande, se pencha sur tribord et l'eau entra en bouillonnant dans la cale. Peu à peu, le corps du navire s'abîma. Déjà, il n'avait plus hors de l'eau que son mât d'artimon, seul restait debout, isolé sur l'eau, et qui flamboyait comme une torche funèbre. Puis le mât disparut. Le mât de Hune éleva encore à un moment son brandon enflammé. Mais bientôt l'eau frémit autour, et l'on ne vit plus qu'une légère fumée rougeâtre. Puis plus rien, rien que l'immensité. La nuit. « Tiens, déjà fini, » dit Kernok. Le San Pablo nous a volé notre argent. Vive le capitaine Kernok, qui donne d'aussi belles fêtes à son équipage, cria Zélie. Hurrah ! Répondit l'équipage. Et les pirates fatigués se jetèrent sur le pont. Kernok laissa l'épervier en panne jusqu'au point du jour, et fut goûté quelques instants de repos avec cette satisfaction d'un homme opulent qui regagne sa chambre à coucher à la fin d'une fête somptueuse qu'il vient de donner. Puis le pirate murmura en s'assoupissant, « Ils doivent être contents, car j'ai fort bien fait les choses. Un navire de 300 tonneaux et 3 douzaines d'Espagnols, c'est honnête. Il ne faut pourtant pas qu'ils s'y habituent. C'est bon de temps en temps, parce qu'après tout, il faut bien rire un peu. »